Dragonflies appear. Dragonflies appear. Amateurs de l'étrange, du bizarre et de l'insolite, bienvenue sur Rage, bienvenue dans Exocet. On est ensemble pendant une heure et demie et vous connaissez la formule, ou peut-être pas d'ailleurs. Durant une heure et demie, on va vous raconter des histoires surprenantes, étonnantes. Et à la fin de l'émission, vous aurez droit aux infos les plus insolites de la semaine. Ça, c'est le principe classique d'Exocet. Mais ce soir, une petite différence par rapport aux émissions habituelles. Nous recevrons donc un invité par téléphone. Un invité très particulier, puisque ce soir je vais parler d'une collection privée, un musée qui s'appelle le Surnateum et qui est une espèce de cabinet de curiosité, une collection d'objets très bizarres, d'artefacts, de vieux grimoires, de reliques sacrées, magiques. Bref, l'homme que nous allons interviewer aujourd'hui est une sorte d'Indiana Jones pour de vrai. Il s'appelle Christian Schellmann et il devrait être avec nous. Monsieur Schellmann, est-ce que vous êtes là ? Je suis là. Eh bien, bonsoir. Donc, j'espère que la description que j'ai faite, donc assez succincte, de votre musée correspond un petit peu à l'idée que vous en faites. Ça correspond à l'esprit, de toute façon. Alors, ce musée est d'abord un musée virtuel qu'on peut trouver sur le net et qui correspond à une collection privée. Vous m'expliquez qu'en réalité, il n'est pas ouvert au public, ce musée-là. Non, c'est une collection privée. Ça appartient à un collectionneur qui conserve l'anonymat. Oui. Et nous prêtons cependant des pièces à des expositions publiques où nous organisons des expositions nous-mêmes dans certains cas, sur certains sujets. Alors, sur votre site, on peut lire une historique du Surnateum et donc, manifestement, la collection descendrait d'une assez vieille tradition de chasseurs de trésors, parfois d'ordre secret qui entretiendrait une sorte de culte, finalement, de tous ces objets, de toutes ces reliques qui témoignent de civilisations perdues. C'est un petit peu ça. Il y a quand même une histoire assez importante derrière le musée. Oui. Elle date de plus de 120 ans, disons, à peu près ça. Alors, est-ce que vous pouvez justement nous expliquer un petit peu l'historique du musée ? Ça part de quel événement ? Ça part pas d'événement particulier, c'est-à-dire qu'aux alentours de la fin du 19e siècle, il y a énormément d'expéditions qui se font à gauche et à droite dans le monde, et les gens ramènent des pièces d'origine magique et autres, oui, qui parfois provoquent certains troubles chez des individus, et un collectionneur qui se spécialise dans ce genre d'objets se met à les récupérer. Alors, bon, ce type d'objet-là, ce type d'artefact, la plupart du temps, quand on y pense, on pense nécessairement à la malédiction de Toutankhamon, par exemple, oui, qui a donc provoqué une espèce de peste, qui a décimé quasiment tous les aventuriers qui étaient là pour trouver cette... 23 personnes, d'après la légende. Voilà, donc ça, c'est un petit peu le cas le plus connu du grand public, mais oui, est-ce qu'il y a beaucoup d'autres pièces comme celle-là qui seraient responsables donc d'une sorte de malédiction ? Ben, y en a tout un tas qui autour desquels tournent les malédictions, comme le diamant Hope. Ouais. Et puis, dans le musée, évidemment, nous conservons les pièces non seulement à titre culturel, mais en même temps pour essayer de voir comment le mot magie se transmet d'une génération à l'autre et ce qu'il comprend, ce que l'on peut interpréter par ce terme. Et donc parmi les pièces que vous conservez dans cette collection, justement, est-ce qu'il y a des objets, des reliques dangereuses ? À peu près 80%, oui. Ah oui, quand même. Donc par exemple, quel type de risque est-ce qu'on encourt Le risque, je n'en sais rien, parce qu'il y en a tellement que finalement ça se coupe ouais, les uns les autres. Ouais. Mais on a, par exemple, parmi les plus anciennes reliques maléfiques, on a une très belle tablette d'imprécation de la 4e, 5e dynastie égyptienne, donc 4500 ans d'ici après, et qui ouais, est une tablette en terre crue qui devait être brisée et sur laquelle est inscrit les noms des cibles qui sont les tribus au-delà de la 3e cataracte du Nil, donc... D'accord. À l'époque, c'était du bien. Ah oui, donc c'est vraiment le type d'objet qu'on peut retrouver dans certains films d'aventure. C'est pour ça que je parlais d'Indiana Jones. Oui, tout à fait. Parce que c'est des objets parfois millénaires, auréolés comme ça de mystère. C'est vraiment fascinant. Et donc sur le site aussi, on peut lire que la collection se passe de collectionneur en collectionneur. Il y a une histoire de c'est pas illuminé le terme, je crois. Non, c'est de collectionneur en collectionneur. Et il y a un terme, non, précis sur le site ? Pas particulièrement, non. J'ai vu ça parce qu'il y a une sorte de test à passer, mais c'est traité sous la forme de l'humour, un test à passer pour savoir. Oui, il y a une partie très humoristique sur le site, on ne va pas se prendre totalement... On va dédramatiser certaines choses, mais néanmoins, les sources techniques, les sources d'informations sont tout à fait exactes et réelles. Alors, sur le site, il y a pas mal de photos, oui. Et je pense notamment à une photo qui représente un crâne, donc c'est dans la section démonologie du site. Ah oui, le crâne cornu. Voilà, on voit ce crâne cornu. Alors, à quoi est-ce que ça correspond, ce crâne? Ben, on n'en sait rien, on a trouvé le crâne comme ça, avec un ensemble d'objets liés aux exorcismes. Alors on ne sait pas si c'est un crâne qui a été fabriqué, mais s'il est fabriqué, c'est vachement bien fait, parce qu'on a fait tous les tests possibles, et on a vraiment l'impression que les crânes, ouais, comme sort du crâne. Et si c'est fabriqué, c'est vraisemblablement fabriqué pour un culte quelconque. D'accord. On n'en est pas plus loin là, hein, je veux dire, c'est parfois pas du tout facile de trouver des sources, des traces. Ah oui, donc parfois, il y a certains objets dont les origines restent assez obscures, on n'est pas certain. Ou bien elles sont pas totalement bien documentées, donc on doit compléter la documentation. Parfois, c'est pas facile à trouver non plus, donc... D'accord. Il faut mieux avoir les sources, les origines, des objets équivalents parfois dans des musées. Et alors, donc, le principe, vous me l'expliquez, c'est que le musée prête certaines pièces, oui, à des expositions. Et donc, actuellement, c'est le cas, je crois. Actuellement, c'est le cas. On prête 15 objets à une exposition de la Fondation Marinus à Bruxelles sur le thème du temps, qui est une superbe exposition sur l'interprétation du temps par divers artistes et par divers penseurs. Et donc justement, à l'occasion de cette expo sur le temps, une des pièces que vous avez prêtées, c'est la machine à voyager dans le temps de Nikola Tesla. Oui, c'est un communicateur temporel plus qu'une machine à voyager dans le temps, bien que... Alors vous pouvez nous expliquer un petit peu en quoi ça consiste ? Bien, c'est un ensemble d'appareils scientifiques connectés les uns aux autres, qui, quand on le met en marche, développent toutes sortes de champs électriques et de champs magnétiques différents. Ouais. Et aurait été fabriqué et présenté à l'exposition universelle de Bruxelles en 1910. Par Nikola Tesla, c'est... On n'est pas tout à fait sûr, on sait qu'il était là. Ouais. La machine était vraiment en très mauvais état quand on l'a reçue. Mm-hmm. Et c'était telescope qui avait marqué dessus qui restait. Donc nous, on l'appelait temporisoscope, mais ça aurait pu être un teslascope. Mais vraisemblablement, à l'époque, c'est le seul scientifique d'un niveau à pouvoir fabriquer un concept pareil. Voilà, parce que Nikola Tesla, c'est ce scientifique visionnaire qui a inventé des centaines d'objets parfois. Et donc, il s'intéressait à de nombreux... C'est lui qui a inventé le courant alternatif, entre autres. Voilà, donc il y a des découvertes qui sont plus connues que d'autres. Et donc sur le site, quand vous parlez de cet objet, vous dites qu'il a déjà provoqué des troubles du réel. Donc est-ce que c'est à prendre sur le mode humoristique? Parce que chaque fois qu'il provoque un trouble du réel, le réel semble changer. Donc il est probable, j'ai toujours bien probable, qu'il était la cause de l'explosion de l'exposition universelle. Parce que quand on a réussi à situer l'endroit où l'exposition a été détruite, hein, elle était détruite en très très grosse partie, ouais, c'est exactement à l'endroit où se trouve le lieu de l'expérience sur place, c'est-à-dire le bureau du Druck d'Ursel, à côté de la section électricité. C'est le seul endroit logique et plausible pour faire cette expérience. Alors, sur le site, parce que donc j'explique aux auditeurs qui ne connaissent pas forcément votre site, d'ailleurs je rappelle l'adresse, c'est surnateum.org, surnateum.org, et le site est divisé en plusieurs sections, comme un musée finalement, et on peut y trouver la section démonologie, la section cryptozoologie, etc., reliques, et donc dans la section cryptozoologie, est-ce qu'on trouve d'authentiques créatures qui auraient été capturées, ce genre de choses? En cryptozoologie, le terme lui-même vient de Bernard Reuvelmans, belge, décédé il n'y a pas longtemps, qui s'intéressait finalement aux animaux cachés, cryptiques, dont on n'a pas de traces directes, mais des traces indirectes, mais qui prouveraient l'existence d'animal. Donc on a des traces plus ou moins réelles, c'est-à-dire on a effectivement tout un équipement de chaman népalais avec une drôle de patte qui fait vraiment penser à une patte de Yeti. Ouais. Mais on a aussi, par exemple, une très belle tête en terre cuite Sao du XIIe siècle. Les Sao sont une tribu disparue aujourd'hui qui vivait à côté de Grand Lac, endroit idéal pour le Mokele Mbembe, mais qui n'a été nommé et découvert que au début du 20e siècle. Or, quand on voit la Terre cuite, qui date du 12e siècle, c'est vraiment une tête de dinosaure. Alors, vous parlez du Mokele Mbembe. Il se trouve que dans l'émission, on a déjà parlé de cette créature-là, puisque donc parfois on aborde des thèmes qui relèvent de la cryptozoologie. Donc, le Mokele Mbembe, c'est un petit peu le monstre du Loch Ness africain, qui est beaucoup moins connu du grand public, mais africain aquatique. Voilà, mais qui regroupe sur un siècle une infinité de témoignages et parfois des éléments particulièrement troublants. Et donc, je crois savoir qu'il y a certains chercheurs qui estiment que si une créature de cet ordre-là doit exister, il y a plus de chances que ce soit là justement qu'ailleurs, par exemple qu'en Écosse ou ailleurs, parce que donc toutes les zones n'ont pas été totalement explorées. Vu qu'elle date du 12e siècle, on a fait une recomposition de l'Afrique à l'endroit où elle aurait pu se trouver à ce moment-là, et toutes les conditions sont requises, c'est-à-dire un lac d'une profondeur moyenne de 5 mètres maximum à certains endroits, d'accord, dans lequel la bestiole peut se baigner et ne pas couler, par exemple. En fait, c'est un terrain idéal par rapport à ça. Voilà, la pièce est vraiment impressionnante, quoi. C'est une petite tête. Ouais. Et donc sur le site, on peut voir aussi une pièce moi qui m'a particulièrement intéressé. Donc c'est ce kit de chasseur de vampires. Ah oui, c'est un de mes objets favoris. Alors est-ce que vous pouvez nous en parler ? Ah, c'est un kit de chasseur de vampires datant de la fin du 19e siècle. En fait, il était assemblé à la fin du 19e siècle parce que les pièces sont antérieures à ça. Qui comporte c'est un coffret en chêne à deux étages avec sur l'étage supérieur un crucifix, des reliques sacrées, le produit du docteur Blomberg s'est injecté en cas de morsure de vampire, et dans le niveau inférieur, un superbe pistolet qui est à l'origine un pistolet du 18e siècle à silex mais transformé en patine à amorce vers 1820, et qui comporte évidemment les trois crucifix d'argent gravés sur le fût du canon. Alors, d'accord, il y a des balles d'argent, il y a des balles de plomb. Ce qui est assez amusant, c'est que les balles de plomb sont un tout petit peu plus larges que les balles d'argent. Ouais. Ce qui est logique parce que le plomb est malléable, s'enfonce dans le canon avec une résistance et que la balle d'argent doit couler ses dents, elle se met avec un papier vidé. Alors, arrêtez-moi si je me trompe, mais il me semblait que dans les différents mythes vampiriques et cryptozoologiques aussi d'ailleurs, les balles d'argent, c'était plutôt pour les loups-garous, non ? C'est le plus ancien mythe connu des usages de balles d'argent, c'est pour tirer dans les nuages, pour faire tomber les sorcières. Ah, d'accord, ben alors là, vous voyez, vous apprenez... Or, le vampire est la succession de la sorcière, puisque la chasse à la sorcière disparaît la fin du XVIIe siècle, XVIIIe siècle, puis il fait un nouvel ennemi, et on trouve le vampire, il apparaît d'ailleurs à ce moment-là, à peu près au moment où la raison apparaît aussi. En Europe. Et est-ce que c'est dans cette pièce-là qu'on retrouve un fragment de la croix du Christ ? Non, ça c'est dans l'équipement de Siniter. Et donc, alors qu'est-ce que... Le mangeur de péché. C'est une vieille tradition galloise. Ouais. Par exemple, le fragment est très très bien documenté, donc on sait exactement d'où il vient, parce qu'il y avait des notes à côté. Manuscrite, et on peut retracer effectivement tout le trajet de la fuite d'une relique qui est considérée comme un morceau de la vraie croix. Ouais. Après la Révolution française. Et alors, concernant cette pièce, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu dans quel contexte elle était utilisée Lequel Le signiteur. Le signiteur, le mangeur de péché. Oui. C'est une tradition qui en fait était développée, je pense, dans les mines. Au Pays de Galles ou en Cornouailles, enfin dans ces régions-là, antérieures au 19e siècle de toute façon, et qui était une sorte de saint sacrement donné rapidement ou à quelqu'un qui n'avait pas l'occasion d'avoir un prêtre ou dont les péchés avaient été trop excessifs. On engageait soit un pauvre air qui passait par là, soit quelqu'un qui était spécialisé dans ce genre de rituel. Ouais. Le corps était soit mis à l'extérieur, soit gardé en chambre. Le signeur mangeur de péché venait poser sur la poitrine du mort un morceau de pain, du sel, et il avait soit un verre de bière, soit un verre de vin. Ouais. Et il avalait les péchés du... D'accord. Et puis il recevait six peines, il était éjecté à coups de pied dehors parce qu'il avait pris les malédictions de tout le monde sur le dos. Et alors, concernant le kit de chasseur de vampires, alors à votre avis, est-ce que c'est une pièce qui a été créée de manière artistique ou alors est-ce que vous pensez qu'elle a vraiment servi? Vu l'état du pistolet, il a vraiment servi. Ah ouais? Et donc vous pensez que ce pistolet il a servi à tuer qui? Des gens qui étaient pris pas, pour... pas du bon côté du pistolet. Ouais. Vous pensez que c'était des gens qui étaient pris pour des vampires ou... Je sais qu'il a servi en tout cas. Je veux dire, il est clair que ce pistolet a tiré. Donc... Ouais. Et c'est un pistolet très pratique, je veux dire, c'est pas un objet décoratif ou un mauvais vieux pistolet comme on trouve parfois. D'accord. C'est vraiment une arme, c'est à partir d'une arme d'officier ou de gendarme, je crois, d'époque. Donc une arme qui doit tirer très bien, qui a un calibre énorme d'ailleurs. Très bien. Alors, Monsieur Schellmann, on va marquer une première pause dans cette émission. Et donc, on se retrouve juste après pour parler encore de certaines pièces particulièrement mystérieuses et donc de votre musée Surnateum. Ça va. Restez sur Rage. Tout de suite, c'est M83. On se retrouve juste après. We'll be right back. Toujours dans Exocet, si vous nous rejoignez à l'instant, ce soir, on parle du Surnateum, qui est un musée, une véritable collection d'artefacts magiques, de reliques sacrées, hantées, bref, comme je le disais en début d'émission, une sorte de collection à la Indiana Jones, mais pour de vrai. Et pour nous en parler, le conservateur de ce musée, monsieur Christian Schellmann, qui est avec nous. Oui, tout à fait. C'est très bien, impeccable. Donc, monsieur Schellmann, en première partie de l'émission, on a évoqué certaines pièces qu'on pouvait trouver dans votre collection. Donc, est-ce que vous, il y a quelques pièces donc, auxquelles vous tenez tout particulièrement ou qui représentent quelque chose de très particulier pour vous ? Ma pièce préférée est de loin la boîte de magie. Ouais. Qui est un coffret d'illusionniste. Mm-hmm. Et peut-être le plus beau qui existe. Ouais. Et qui était ma première pièce qui m'a mis en contact avec le Surnateum, il y a de ça longtemps. Parce que je précise, on l'a pas dit, mais donc vous êtes magicien, vous êtes aussi magicien. Je suis aussi magicien, absolument. Et alors donc cette boîte de magie, qu'est-ce qu'elle a de particulier ? Elle est entièrement composée avec des objets ayant été dans les mains des plus grands, enfin des plus connus des magiciens du XXe siècle. Ouais, du type Houdini, etc. Enfin non, c'était pas un magicien. Excusez-moi. Magicien. Excusez-moi, oui, tout à fait. Oui. Non, des perles d'ivoire qui ont été manipulées par Vernon. Ouais. Des foulards cousus par Slédini, qui était le maître de la misdirection et des tournants d'attention. Ouais. Des gobelets de style Paul Fox, qui fut vraiment celui qui a rénové le style des gobelets pour les joueurs de gobelets. Mm-hmm. Et c'est une tradition dans le Surnateum d'être lié à l'illusionnisme. D'accord. Peut-être le divertissement des magiciens, somme toute. Et donc, j'expliquais que vous étiez magicien, mais sur le site, donc, on peut lire une biographie, un petit peu, et on apprend que vous êtes diplômé de l'ISEP, qui est donc l'Institut pour le... Non, ça, c'est une petite plaisante. Ah, c'est une blague, d'accord. L'ISEPK existe vraiment, mais c'est l'Institut supérieur d'éducation physique. Ah oui, d'accord. Parce que sur le site, j'explique aux éditeurs... Donc, oui, oui, non, mais on a une pointe d'humour à certains moments. C'est l'Institut du secret de l'ésotérisme. Alors moi j'ai cru que c'était exact. Et alors donc j'ai vraiment diplômé de l'ISEPK, mais c'est l'Institut supérieur d'éducation physique et de kinésithérapie. D'accord. par contre, est-ce que vous êtes vraiment expert en close combat ? Pardon ? Oui, absolument. Ah oui, là fait. C'est vrai par contre. D'accord. Ah oui, tout à fait, absolument. Et alors donc sur le site on peut lire que vos capacités en close combat vous ont permis de réussir certaines transactions. Oui, ça aide parfois. Enfin, c'est déjà arrivé. C'est déjà arrivé. Marcher sur les pieds. Vous pouvez par exemple nous raconter une transaction qui a été un petit peu délicate. Non, disons que le physique laisse parfois des discussions de côté. Ouais. Et alors comment ça se passe quand vous faites l'acquisition d'une pièce En règle générale, plutôt bien. Mais généralement, qui possède ce genre de pièce-là ? Ça c'est n'importe qui en fait. C'est-à-dire que soit ce sont des descendants de gens qui ont été liés à l'occultisme, à la magie, ouais. Soit ce sont souvent des pièces ethnographiques, mm-hmm. Donc qui voyagent. Par exemple, l'année passée était l'année de la remise en état des collections d'instruments divinatoires africains. Ouais. Et donc on a dû trouver des spécialistes, des gens sur place qui connaissaient très bien chacun des objets. Nous avons par exemple 50 pièces de ce type différentes dans le musée qui sont vraiment passionnantes. D'accord. Et parfois ce sont des objets antiques. Alors l'avantage par exemple des objets de style égyptien magique traditionnel, c'est que ce ne sont pas des objets nécessairement esthétiques, mais mm-hmm. des objets plutôt culturellement intéressants. Ouais. Donc ça nous permet de les acquérir, disons, à un prix cohérent. Et est-ce que parfois donc, des gens viennent vers vous pour vous proposer l'acquisition de pièces C'est arrivé, oui, tout à fait. Ouais. C'est arrivé, vous voyez pas mal de gens qui savent ce que je cherche, donc il y a des liens entre différents collectionneurs. Et puis nous avons d'autres pièces parfois à échanger aussi. Et alors donc, vous nous parliez de ce coffret de magie. Est-ce qu'il y a une autre pièce, par exemple, qui a été particulièrement difficile à obtenir ou qui a... Le plus dur, c'était de retrouver le pistolet du coffret de tueur de vampires. Ça a pris des dizaines d'années. Ah, parce que donc, il était séparé de ce coffret de chasseur de vampires. On n'avait plus le pistolet, il a fallu le retracer. D'accord. Ah oui, donc ça a dû, oui, ça a dû. Je rappelle aussi que les histoires sur le site sont réelles, mais à certains moments, elles décalent aussi très légèrement. Ah ouais. C'est en rapport avec le réalisme magique, qui est une tradition belge. Ah, le réalisme magique, et donc qu'on peut relier directement à Jacques Bergier. Vous en parlez aussi sur le site. Oui, à Jacques Bergier, mais à Jean Rey, Thomas Owen, Michel de Gelderode, en fait, les grands fantastiqueurs belges. Voilà, on leur rend un petit hommage d'une certaine façon, parce que finalement c'est eux qui parlaient de ces pièces, de ces objets, et puis c'est nous qui les avions. Alors Jacques Bergier, qui est un personnage particulièrement étonnant, qu'on a déjà évoqué dans cette émission, oui. Qui était donc à la fois espion, alchimiste, spécialiste du fantastique, de l'ésotérique, etc., et qui apportait un petit peu le flambeau en Europe, oui, de Charles Fort, un petit peu, c'est ça? Oui, oui, absolument. Et donc je crois aussi que vous parlez justement de Charles Fort sur le site. Oui, bah c'est le grand compilateur de tous les phénomènes étranges au 19e siècle. Hein. Ouais. Il a écrit plusieurs recueils d'ailleurs, je crois. Oui, on les trouve sous un recueil complet qui s'appelle The Complete Forte en anglais. C'est très très une énorme brique. Et donc Charles Fort, c'est un petit peu le Fox Mulder du 19e siècle. Donc il faisait une liste de tous ces faits bizarres inexpliqués. Oui, il faisait une liste des faits bizarres. Il ne connaissait pas les objets. Hein. Voilà, les faits bizarres, donc comme nous d'ailleurs on le fait à la fin d'Exocet, d'ailleurs je vous invite à écouter la fin de l'émission après le sujet sur le musée, et donc je crois savoir que après avoir compilé comme ça des milliers de faits parfois, il les a brûlés, il en a brûlé une partie. Il semblerait, oui. Il en a brûlé une partie, et puis finalement donc ces faits sont apparus dans divers recueils, et aujourd'hui il y a une revue qui s'appelle le Fortean Times, voilà, qui s'inspire directement de ses travaux, de l'esprit de Charles Fort en fait, hein, et qui traite donc de tous ces sujets un petit peu maudits dont on parle pas forcément avec sérieux, des sujets inexpliqués, fantastiques, bizarres que nous on affectionne ici dans l'émission. Et c'est amusant d'avoir cette peur du magique en règle générale. La peur du magique. Oui, je trouve que nos sociétés tentent à rejeter quelque chose qui est en fonction sur notre planète depuis l'aube de l'humanité et d'à peu près dans toutes les traditions jusqu'à nos sociétés à nos jours. Ouais, parce que donc il y a une vraie distinction à faire entre la magie comme on peut la connaître aujourd'hui. Quand on parle de magie aujourd'hui, c'est l'illusionnisme, c'est la prestidigitation, oui, finalement. Oui, c'est un monde en fait pas nécessairement, parfois pas spécialement séparé, mais bon. Parce que la magie antique, donc c'était l'exploitation de certaines forces naturelles. C'était l'objectif, en tout cas, c'était de manipuler des forces comme ça invisibles. Oui. Enfin, il y a, pour ceux qui nous orientent de plus en plus, c'est l'idée qu'il existe en parallèle à notre société humaine des individus qui ont des capacités relativement remarquables et qu'on va retrouver sous forme de chamans, sorciers, mages. Et alors donc, différentes traditions, et qu'il existe un certain nombre de rites, depuis des rites orphiques jusqu'à des formes de rites plus récentes, qui peuvent développer certaines capacités chez l'individu. Et alors vous, donc, par le biais notamment du site et de toutes vos recherches sur l'étrange, l'occulte, est-ce que vous avez fait la connaissance de personnes qui faisaient preuve justement d'aptitudes étonnantes? Oui, quelques-unes. Ouais, vous pouvez nous en parler un petit peu? Non, ça reste un peu discret. Si vous citez pas de nom, c'est... Le collectionneur est assez passionnant à ce niveau-là, d'ailleurs. Ah oui, donc parce que donc, le collectionneur, alors encore une fois, sans le nommer ni rien du tout, donc c'est une personne qui doit être, j'imagine, très fortunée pour pouvoir acquérir toutes ces pièces-là. Et c'est une sorte d'aventurier. Comment ça se passe? C'est vous qui faites les transactions? C'est lui? Moi, je m'occupe des transactions. Lui, il est un petit peu âgé quand même pour l'instant. Enfin, le dernier collectionneur en titre. Le premier s'occupait d'illusionnisme d'ailleurs. Le premier, en fait, s'occupait à la fois de fabriquer des illusions pour les illusionnistes qui étaient en compétition les uns contre les autres au 19e siècle. Mmh. Et qui se chargeait aussi de trouver certains objets permettant. D'augmenter la qualité de certains spectacles. Parce que... Assez proche, en fait, du film qui est sorti récemment, là, Le Prestige. Le Prestige, oui, tout à fait. Ouais. Parce que ce qui frappe quand on lit les textes de votre site, c'est que on voit ici des personnages qui ont l'air tout droit tirés de romans fantastiques, par exemple de Georges Louis Borges, des personnages comme ça, incroyables, hallucinants. Donc le conservateur, ouais. Donc on imagine comme ça. Mais tous pleurer les uns avec les autres. Voilà. Et donc dans le cas du conservateur, donc on peut imaginer une sorte de vieux monsieur qui est passionné par tout ce qui touche à l'étrange, etc., qui veut acquérir comme ça des pièces. Vieux, ne mettons pas si vieux. C'est vous qui m'avez dit qu'il était assez âgé. Hein, Le collectionneur, oui. Pas oui. Le conservateur. Ah oui, non, pas vous, non, pas le conservateur, le collectionneur. Donc c'est quand même assez génial parce qu'on est dans un univers là, de films, de romans, et c'est oui, ça non, qui m'a frappé. Vrai. En vrai, ouais. Est-ce qu'il y a des pièces dont vous essayez depuis des années de faire l'acquisition et pour lesquelles vous avez des difficultés? Non, pas pour l'instant. Enfin, on ne recherche pas particulièrement des pièces précises, sauf pour compléter des collections. Par exemple, on avait une petite faiblesse au niveau des collections Spirit, vu que c'est une spécialité plutôt américaine qu'européenne. Et là, on a passé une bonne année à rechercher des pièces essentielles, dont les premières tables Ouija et tout un tas d'autres choses. Voilà, donc nous avions une table Ouija, d'ailleurs, au Sonatéum, une superbe en chêne massif, énorme, peut-être une des plus grandes existantes. Alors, on voulait les premières pour pouvoir, en cas d'exposition, montrer tout l'historique du mouvement et des différents objets qui étaient utilisés. Alors, une table Ouija, je rappelle à nos auditeurs, c'est donc cette table marquée de chiffres, de lettres qui permet aux amateurs de spiritisme de communiquer avec l'au-delà. La première table Ouija est fabriquée en 1892, si ma mémoire est bonne. Et alors, est-ce que vous pouvez nous parler de l'implication des sœurs Fox dans le spiritisme, ah oui, puisque je sais que vous êtes spécialiste de Fox à Hydesville. Voilà, exactement. En 1848. Parce que donc, on en avait parlé un petit peu dans l'émission il y a quelques semaines, oui. Ces deux sœurs-là qui sont à l'origine du spiritisme tel qu'on le connaît aujourd'hui. Oui, en fait, c'est-à-dire qu'elles sont physiquement à l'origine du spiritisme. Il y a déjà un mouvement préparatoire antérieur avec un besoin nécessaire d'abandonner le christianisme ou le protestantisme, puisqu'on est aux États-Unis, et de se diriger vers une espèce d'ésotérisme qui, malheureusement, est souvent bon marché dans ce domaine. Et l'apparition de ces deux gamines qui jouent avec leurs orteils, parce que, ouais. Malheureusement, pour elles, tout était trucage de A à Z. Voilà, parce qu'elles l'ont avoué par la suite, hein, après avoir oui, créé... Oui, tout à fait. Enfin, il y en a une des deux qui a avoué, pas l'autre. Hein. Parce que, donc, je rappelle un petit peu l'histoire. Donc, les sœurs Fox vivaient à Hydesville, aux USA, dans la maison dans laquelle elles habitaient avec leurs parents, il y avait des bruits, des coups, oui. Et puis un soir, elles essayent de communiquer avec l'esprit qui était responsable de ces coups, et puis elles créent donc la communication spirit par ce biais-là, puis ensuite elles se sont produites en spectacle. C'est ça, c'est leur grande sœur qui s'est rendue compte du potentiel financier qu'il y avait derrière ça, et qui les a lancées, comme ça c'est typique aux États-Unis d'ailleurs. Mais alors ce qui est drôle, c'est que ces deux sœurs ont provoqué un véritable mouvement de mode, puisqu'elles ont lancé la tendance des tables tournantes et même du spiritisme finalement. Ouais. Mais quand elles ont avoué, donc quand une des deux sœurs a avoué la supercherie, le mouvement ne s'est pas éteint pour autant, c'était déjà bien lancé. Non, effectivement. Voilà, c'est assez étonnant, non? Vous trouvez, ça aurait pu entamer sérieusement la crédibilité de la non, chose. Non, ceux qui croyaient ont dit, elles ont menti parce que il y a une raison pour laquelle on les a obligés à le dire. Ouais. Ceux qui croyaient pas, ils ont dit de toute façon, on avait dit que c'était une blague depuis le début. Non, une fois que les gens sont convaincus. Ouais. C'est difficile de faire changer d'opinion. Mais ce qui est amusant, c'est que le spiritisme aux États-Unis et le spiritisme en Europe est très différent, en fait. Le spiritisme chez nous commence aussi vers 1850, mm-hmm. Et va toucher plutôt la up class, donc les gens fortunés, les gens qui font des soirées dans des salons, tandis qu'aux États-Unis, c'est plutôt le peuple qui est... Ouais. Qui s'occupe de ça, et d'ailleurs les tables Ouija encore vendues actuellement, il y en a de plus en plus, sont souvent vendues comme jouets. Ah oui, d'accord. Donc c'est vraiment passé dans les mœurs, là-bas en tout cas, de s'amuser jeu, avec en fait. Les esprits. C'est vraiment que vous achetez dans un magasin de jouets, quoi. D'accord. Et parfois, j'imagine que ça a dû provoquer pas mal de petits soucis, hein, puisque... Oui, c'est peut-être un des instruments qui a provoqué le plus de petits soucis qui existent. Ouais. Donc, on va marquer une seconde pause dans cette émission, on se retrouve juste après. Chers amis auditeurs, restez avec nous, on écoute Anathema et on se retrouve pour la suite d'Exocet juste après. Thank you. cost of suffering. Cannot see the day before you. Only feel what's deep inside. Try to change, it makes no difference. Exocet, le magazine de l'étrange et de l'insolite. Toujours dans Exocet, où l'on parle du Surnatéum, ce musée bruxellois dans lequel on peut trouver donc des pièces uniques au monde, artefacts magiques, hantés. Et alors pour en parler avec nous, Christian Schellmann. Et alors je voulais juste préciser que à la base, quand j'ai pensé à parler du Surnatéum dans l'émission, c'était à cause d'une information qu'on a donnée dans l'émission il y a quelques semaines, donc concernant un livre surnommé la Bible du Diable, le Codex Gigas. Alors, Monsieur Schellmann, vous voyez de quoi je parle, j'imagine ? Absolument pas. Ah non, parce que c'est parce que c'est vraiment l'exemple même de la pièce qu'on imagine dans un film façon Indiana Jones, un film d'aventurier. Donc c'était un livre qui est d'ailleurs le plus gros livre médiéval que l'on possède, qui date du XVIe siècle et qui avait été emporté par les troupes suédoises. Ah oui. Vous voyez ce que je veux dire ou non? Oui, je commence à voir. Ok, d'accord. Voilà, il avait été pris donc au XVIe siècle par les troupes suédoises, et là il a été ramené à Prague pour une exposition exceptionnelle pendant quelques mois. Et donc ce livre est énorme. Il y a une infinité de précautions autour du bouquin pour qu'il soit pas abîmé, pour qu'il soit surtout pas volé. Donc il est hors de prix. Et sur ce livre, on peut voir donc un énorme démon dessiné sur une page, parce qu'il y a une légende derrière ce livre. Si on l'appelle la Bible du Diable, c'est parce que le moine qu'il aurait écrite aurait passé un pacte avec le démon pour réussir à l'écrire en une nuit. Donc voilà, quand j'ai vu cette pièce, j'ai fait le rapprochement avec le musée. Donc est-ce que c'est pas le genre d'objet que vous aimeriez un petit peu avoir dans le musée? Bien entendu, mais bon, c'est comme le livre des Kells. Mais bon, il était un petit peu à Dublin pour l'instant, et on a vraiment beaucoup de mal à aller le piquer sur place. Alors justement, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur ce livre des Kells? C'est le livre qui sert de base à tous les graphismes celtiques, ouais. Qui est unique en son genre d'ailleurs, qui se trouve à l'université de Dublin. D'accord. Et donc ça fait partie de ces livres hors de prix. C'est strictement impayable, et c'est strictement inachetable aussi, parce que ça appartient quand même. Oui, c'est le patrimoine de l'humanité, quoi. C'est ça, tout à fait. Parce que donc sur le site du Surnatéum, on voit une section connaissances oubliées et livres maudits. Oui, on en a quelques-uns aussi. On a toute une série de grimoires, dont ma pièce préférée reste le calendrier magique de Croz et Eurasie. Alors, vous pouvez nous expliquer de quoi il s'agit ? C'est un calendrier de forme assez allongée, rectangulaire donc assez allongée, dessiné et écrit par Croz et Eurasie, peintre et poète, ouais. Et produit par la maison L'Art Nouveau à Paris. D'accord. 22 rue de Provence, si ma mémoire est bonne, oui. Et qui est en fait un véritable almanach magique, qui est une des plus belles pièces qui existent dans les collections de grimoires magiques. Et il a 15 pages, donc 12 représentant les mois et 3 autres complémentaires. Et il n'en existe que très très peu d'exemplaires connus. Je crois qu'il y en a maximum 7, je crois, encore en circulation. Il y en a eu 777 à l'époque de fabriquer. Et est-ce que parmi votre collection de grimoires, il y en a de très anciens? Vous avez en tête l'âge du plus ancien? Les plus anciens écrits en rapport avec la magie ou les malédictions, c'est cette fameuse tablette d'imprécation. On a des bols à démons babyloniens aussi. Ah oui, babyloniens, carrément. Oui, mais ah ça oui. C'est 5e siècle après Jésus-Christ. D'accord. Et qui étaient des bols à incantation. Il y en a quelques-uns dans des musées. Mm-hmm. Et qui étaient placés, inversés dans le coin des maisons, parce que c'est là, par le coin des maisons, que s'introduisaient les lamis et les autres djinns, les autres démons, et c'était capturé dans l'incantation. D'accord. Alors, la question que je vous posais hors antenne, c'est est-ce qu'il existe dans le monde d'autres musées de ce type ? Ben, il y a des pièces magiques dans des collections, mais des collections à proprement parler magiques, je n'en connais pas. D'accord, donc ce serait... Je connais des gens qui ont des pièces, évidemment, ouais. Qui ont des trucs personnels, mais une collection aussi importante que la nôtre qui pourrait vraiment faire un musée. Je dois avouer que si on expose toutes les pièces dans des conditions normales d'exposition, il faut un minimum de 1200 mètres carrés au sol. Ah oui, d'accord. Mais d'ailleurs, est-ce que c'est envisagé un jour de faire un musée à part entière? Ça pourrait arriver. On n'est pas contre l'idée, mais pour l'instant, disons qu'on préfère travailler soit prêter des objets, soit organiser de temps en temps des expositions thématiques Ouais. Et puis nous travaillons surtout pour des entreprises qui ont envie de passer d'excellentes soirées dans des univers étranges. Ouais. Mais alors, dans ces cas-là, quand par exemple vous prêtez des pièces, justement, comme vous le dites, à des entreprises, etc., il s'agit juste donc d'observer les objets en question derrière des... Non, c'est toute une soirée qui est organisée, c'est-à-dire que c'est réellement un théâtre d'objets. Ouais. Donc vous entrez dans un musée qui peut prendre la forme qu'il veut au moment... Enfin, tout dépend du lieu, du genre d'entreprise qui organise. Ouais. Et là-dedans, vous avez un premier niveau qui est la contemplation des pièces et éventuellement de leurs histoires. Puis vous avez les membres du musée, les conteurs qui racontent l'histoire des pièces. Et certaines sont activées pour vous montrer comment fonctionne l'objet magique. Ce qui est particulièrement agréable avec les instruments divinatoires, d'ailleurs. D'accord, mais alors quel type d'objet peut être activé dans votre collection? Tous, sauf ceux qui jettent des malédictions sur les gens. Mais alors concrètement, quand vous parlez d'activation, concrètement, ça donne quoi en fait? Ben, on la met en marche. C'est-à-dire que je vais vous donner un exemple très simple, parce que les autres sont peut-être parfois un peu difficiles à expliquer sur antenne, mais un instrument divinatoire. C'est très joli à voir et c'est encore plus amusant quand ça fonctionne. Donc on le met en marche en fonction du rituel ou des protocoles nécessaires et puis vous vérifiez si ça fonctionne ou si ça ne fonctionne pas. Et donc il y a un instrument justement précis dont vous pouvez nous expliquer le fonctionnement parmi ces objets divinatoires? Il y en a plein, je veux dire tout. Dès le moment où l'objet a une fonction précise, il doit marcher. Ça c'est la règle dans les objets du musée. Et alors à quoi ressemble par exemple un objet divinatoire? Ben, ça c'est une question extrêmement large. Je veux dire, sur les 50 objets africains par exemple, il n'y a pas que des objets africains, il n'y en a quasiment pas deux qui se ressemblent. Ouais. Et donc, en fait, une prédiction est faite et, Non, enfin, vous amenez quelqu'un. Bon, moi, j'ai un instrument que je préfère, qui est une carte astrologique. Ouais. Et je l'utilise plus que fréquemment. Ça permet de deviner la date de naissance des gens. D'accord. Et donc là, ça fonctionne. C'est-à-dire que les gens... Ah oui, ça fonctionne. Vous prenez n'importe qui vient de n'importe où. Vous me donnez 2 minutes avec l'instrument et je vous donne sa date de naissance. Bon, alors bon, comme on l'a dit, vous êtes magicien, donc est-ce qu'il y a une part d'illusion dedans ou est-ce que vraiment... Ça dépend quoi. Dans certains cas, oui, dans d'autres cas, non. Après tout, on... Soyons clairs, alors, on sait qu'il y a des disciplines comme le mentalisme, par exemple, qui permettent effectivement de donner ce genre d'informations, mais on sait qu'il y a un truc. Mais là, est-ce que dans le cas parfois, des objets... Parfois, les deux sont mélangés, c'est-à-dire que parfois, une technique d'illusionnisme est nécessaire pour créer un état de réceptivité dans lequel on peut faire fonctionner un autre élément. Mais alors, la question que je me pose, et que je vais vous poser d'ailleurs, c'est est-ce que, parmi votre collection, il existe des objets divinatoires qui fonctionnent et dont vous ne savez absolument pas comment ça marche, dans lesquels vous n'intervenez pas en tant que magicien? Il y en a un ou deux qui posent encore problème. Il y a des instruments qu'on ne peut pas faire fonctionner parce qu'ils sont réservés aux femmes, par exemple, et ou réservés à certaines ethnies. Donc, il faut connaître tous les mythes de l'ethnie pour pouvoir les faire fonctionner, mais globalement, il y a toujours un fond de base dans la plupart des objets, donc ça peut marcher. Et donc, par exemple, là, il y a certains objets qui vous étonnent totalement, qui restent une énigme. Oui, il y a encore plein d'objets qui m'étonnent totalement, donc... Mais est-ce qu'il y a même, par exemple, qui représente une véritable énigme, par exemple, dans le cas des divinations, parce qu'un objet, par exemple, qui peut donc révéler une date de naissance, c'est déjà pas mal. Donc, Mais c'est l'objet le plus pointu hein, chez nous. Donc, Et donc, dans le cas de cet objet-là, il y a une part d'illusion qui intervient. Il y a une part de conditionnement, disons. Ouais. Obligatoire pour faire fonctionner l'objet. Parce que. Donc, vous échangez pas d'informations avec la personne? Non, absolument pas, c'est pas nécessaire. Et en manipulant cet objet-là, en l'activant, vous avez une date de naissance qui vous vient à l'esprit ou qui ça s'inscrit? Comment ça se passe? Bien, en lisant elle fonctionne avec une horloge astrologique, donc une carte en cuir sur laquelle sont déposées des cartes en fait, comme un tarot plus ou moins, sauf que c'est des cartes. D'accord. D'un modèle différent. Ok. Et qu'est-ce que... Si, admettons, le musée devenait un véritable musée qui exposait, donc ça deviendrait donc un endroit unique au monde. D'après ce que vous me dites, ça serait vraiment intéressant de le faire. Est-ce que pour l'instant, c'est des raisons, financières, des raisons logistiques Disons que vous en empêchent? C'est peut-être un manque d'intérêt. on vit à Bruxelles, et déjà la Belgique a du mal à tenir en tant que telle, donc... Ouais. Parce que, alors justement, en parlant de ça, je me suis laissé dire que la Belgique, et notamment Bruxelles, donc c'était des endroits qui étaient particulièrement amateurs de surnaturel, d'étrange, d'ésotérique. C'est-à-dire que Bruxelles est un véritable vortex pour trouver des objets rares et étonnants. Alors ça, c'est quand même surprenant, parce que voilà, notamment concernant des endroits mystérieux, oui. Je lisais qu'à Bruxelles, il y a beaucoup, beaucoup d'endroits assez uniques, assez insolites. Oui, tout à fait. Donc vous, par exemple, vous avez des lieux de prédilection dont vous pouvez nous parler, qui valent le coup pour les touristes éventuels. Pour les touristes éventuels. Ouais. Oh, le musée, comment il s'appelle ? Le musée Hort. Ouais, alors... Ah, certainement, ça c'est un des endroits les plus étranges de toute la... Ah, alors qu'y a-t-il dans ce musée ? C'est Hort. Oui, ouais. C'est un musée de peinture, mais le type était visiblement un petit peu mégalomane, et certaines peintures font jusqu'à 10 mètres de haut. D'accord. Et c'est un musée assez exceptionnel, en fait. D'accord, donc on y voit donc surtout des peintures, que des peintures, il y a aussi... Il n'y a que des peintures, oui. Ouais. Mais elles sont démesurées. Si vous voulez un musée qui a un bon caractère magique, vous pouvez aussi visiter le musée africain. Ouais. Il y a quelques pièces intéressantes, puis ce sont des atmosphères aussi. Je veux dire, la magie est indissociable de l'atmosphère dans laquelle elle doit se passer. D'accord. Ça, c'est vraiment une règle d'or. Donc si vous deviez conseiller par exemple à des touristes qui cherchent justement à faire du tourisme magique, du tourisme étrange, Bruxelles, ça serait une destination de prédilection en Europe Bruxelles est une très... Oui, enfin il y a Prague aussi qui est très, très... qui est la ville des alchimistes. Je pense que chaque grande ville a son légendaire. Donc c'est d'ailleurs à Prague que actuellement réside, comme je le disais tout à l'heure, la fameuse Bible du diable, donc effectivement... Voilà. Eh bien, Christian Schellmann, merci beaucoup. Merci beaucoup pour cet entretien. Voilà. Donc, j'espère que parmi les auditeurs qui nous écoutent, il y en a certains qui comptent se rendre en Belgique bientôt et qui iront vous voir. Alors, est-ce qu'il y a possibilité, vous m'expliquez, oui, par invitation, de venir voir les pièces ? C'est très rare que nous invitons, mais il y a moyen de voir pour l'instant une série de nos objets à l'exposition sur le temps de la Fondation Marinus. D'accord. Ah oui, donc voilà. Vous allez sur albertmarinus.org et vous avez toutes les informations nécessaires quant au lieu et aux dates de l'exposition. Et on est quand même prêteur de 15 pièces dans cette superbe exposition. Merci beaucoup. Je rappelle l'adresse de votre site, c'est surnateum.org. Voilà. Donc un musée unique au monde, manifestement, comme vous nous le disiez. Christian Schellmann, merci. On continue, nous, dans l'émission, tranquillement. On va marquer une pause musicale et juste après, on passera aux infos insolites de la semaine. Exocet, le magazine de l'étrange et de l'insolite. C'est l'heure de passer aux infos insolites de la semaine dans Exocet. Alors les infos insolites, vous le savez ou vous ne le savez peut-être pas, hein, si vous nous écoutez pour la première fois, ça arrive aussi. C'est le meilleur de tout ce qui s'est passé d'étrange, de bizarre à la surface de la planète durant la semaine. Et on démarre tout de suite avec une histoire qui fait assez froid dans le dos, hein, selon la manière dont on l'apprend. C'est un biologiste américain qui s'appelle Craig Venter, qui est parvenu à réaliser en laboratoire un chromosome de synthèse. Et donc ça, c'est le premier pas vers la création d'une forme de vie artificielle. Alors, selon le biologiste lui-même, il s'agit d'un pas philosophique capital dans l'histoire de nos espèces. Et alors, cet homme-là, c'est pas non plus le premier venu, hein, puisque c'est un des pionniers du séquençage du génome humain. Vous savez qu'on a déchiffré l'intégralité de notre patrimoine génétique. Et donc, il explique que nous sommes en train de passer de la lecture du code génétique à la capacité de l'écrire. Donc, on est en train de devenir des dieux, grosso modo. Et il dit donc que ça nous donne la possibilité de faire des choses qu'on avait jamais envisagé possible avant. Alors évidemment, ça déclenche des réactions, notamment de celle du directeur de l'ETC Group, qui est une organisation canadienne de bioéthique. Il s'appelle Pat Mooney, et il dit que le châssis sur lequel il sera possible de construire pratiquement n'importe quoi vient d'être créé par Craig Venter. Et donc, selon Pat Mooney, donc ça peut apporter sa contribution à l'humanité, bien sûr, avec de nouveaux médicaments par exemple, mais c'est aussi une énorme menace potentielle avec la création d'armes biologiques. Et puis donc là, on parle vraiment de création de formes de vie artificielle qui n'existe pas, qui viennent de laboratoire. Donc évidemment, ça fait un petit peu flipper, mais je pense qu'on en entendra parler davantage dans les semaines et dans les mois à venir. On continue avec une info qui nous vient des États-Unis, que vous avez peut-être entendu d'ailleurs si vous avez écouté tout à l'heure Il y en aura pour tout le monde. Je suis venu un petit peu teaser sur Exocet, et donc je parlais de cette histoire qui est arrivée à un homme de 41 ans qui s'appelle Scott Masters, et qui risque 30 années de prison pour avoir volé un donut. Voilà, hein, c'est, alors bon. Il s'appelait pas Homer? Voilà, c'était pas Homer Simpson, c'est Scott Masters. Alors voilà pourquoi. Alors en réalité, il a glissé le donut dans son t-shirt, et là, il aurait poussé la caissière du magasin où il est allé voler ce donut. Et à partir de là, ce vol est devenu un vol aggravé avec agression, et donc il encourt du coup 15 années de prison maximale. Mais comme il avait des antécédents, qu'il avait déjà un casier, Monsieur Masters, il avait déjà volé des beignets, sûrement, ou des crêpes, il risque 30 années de prison pour un donut, je le rappelle. Et le comble dans cette histoire, c'est qu'il n'a même pas mangé le donut, parce qu'il a jeté quand il s'est enfui. Il a même pas mangé. C'est-à-dire qu'il risque de passer 30 ans de tôle sans avoir même le goût du donut. Non, mais là, je pense qu'il aura rien. C'est impossible qu'il le condamne. J'espère, en tout cas, on va la suivre de près, cette affaire-là. Parce que, évidemment, ce que disent les policiers, c'est que c'est pas le donut qu'on condamne, c'est l'acte. Mais lui, il dit qu'il a jamais poussé personne. Donc voilà, j'espère quand même, effectivement, qu'il va s'en sortir avec au maximum une amende. Mais même 6 mois de prison, ça me paraît assez cher payé pour un donut. Toujours aux États-Unis. Toujours d'ailleurs une histoire d'arrestation. Un homme qui s'est rendu dans un supermarché et qui a demandé à la caissière de lui faire le change sur un billet $1 million. Voilà, sûrement. Alors la police explique que l'homme est devenu agressif quand le manager du supermarché a confisqué le billet, qu'il a refusé évidemment de lui faire la monnaie. Alors là, le mec est devenu fou, il a cassé un distributeur automatique de billets et il a refusé de donner son nom à la police. D'ailleurs, il n'avait pas de papier sur lui, et il a donc été inculpé d'agression d'une part, et de fabrication de fausses monnaies d'autre part. Bon, parce que je rappelle quand même, hein, au cas où, qu'il n'y a pas de billets $1 million en Amérique, hein, puisque le maximum depuis 1969, c'est $100. Voilà, donc on pense que ce billet, cet homme-là l'a récupéré d'une sorte de happening qui avait été organisé par un groupe religieux, donc avec des faux billets $1 million, et manifestement, il était fâché que ça ne fonctionne pas. Mais il devait vraiment être à la masse, le mec. Ah grave, ça, oui, à mon avis, c'était pas un prix Nobel, hein, pour croire que ça fonctionnerait quand même. $1 million, pas mal. Et on continue avec une histoire qui s'est passée en Australie. Des médecins australiens qui ont révélé mercredi avoir administré 3 jours de suite un traitement très particulier à un touriste italien, vous allez voir. Ce touriste était âgé de 24 ans. et il avait été transporté dans un hôpital du nord du Queensland en Australie, donc il y a 2 mois, après avoir ingéré un poison dans une tentative de suicide. Alors les médecins de l'hôpital Mackay Bays lui avaient administré de l'alcool pharmaceutique, voilà l'alcool que vous pouvez trouver en pharmacie, pour inverser les effets du poison, parce que ça fait office de d'antidote. Mais lorsque les stocks d'alcool de l'hôpital ont été épuisés, ils sont allés chercher une caisse de bouteilles de vodka pour poursuivre le traitement. Et donc le patient, il a reçu l'équivalent de 3 verres de vodka par heure pendant 3 jours. Oh, il devait être bien beau. Voilà, dans l'unité de soins intensifs. Alors, ce que disent les médecins, c'est que comme il était dans le coma quand on lui administrait cette vodka-là, quand il s'est réveillé, la gueule de bois était déjà passée, parce qu'effectivement, il était bourré, mais dans le coma. Donc il s'en est pas aperçu. Voilà. Ah, il doit avoir une migraine quand même. Ça devait être assez douloureux. Mais par contre, donc les responsables de l'hôpital ont tout à fait soutenu cette démarche. Apparemment, c'était la seule manière possible de le tenir en vie. Donc voilà, il a survécu. Et ils l'ont sauvé. Grâce à la vodka. Donc, c'est pas une démarche à refaire à la maison quand même, hein. Éviter ce genre de truc. Chéri, je bois pour me sauver. Voilà, on marque une première pause dans les infos insolites d'Exocet. Restez avec nous pour la suite et la fin juste après avec des infos de foufou. David Bowie's song. Exocet, le magazine de l'étrange et de l'insolite. Suite et fin d'Exocet, ce soir l'émission était consacrée au musée Surnatéum, hein, si vous avez raté la première partie de l'émission. Donc ce musée qui se trouve à Bruxelles, c'est une collection privée dans laquelle il y a des objets bizarres, magiques, hantés, uniques au monde. Donc voilà, on avait reçu le conservateur de ce musée au téléphone pour nous en parler. Et là, tout de suite, c'est la suite et la fin des infos insolites de la semaine. Donc on était assis Sydney, juste avant la pause musicale, on se retrouve à Londres pour une histoire d'art contemporain encore. On en parle pas mal ces dernières semaines dans l'émission. Donc là, ça se passe à la Tate Moderne de Londres, donc une galerie d'art. Et donc cette galerie a inauguré lundi dernier une nouvelle installation qui consiste en une crevasse de 167 mètres de long, qui symbolise donc, selon l'artiste, hein, qui s'appelle Doris Salcedo, la fracture entre les Blancs et le reste de l'humanité. Alors le truc, c'est que cette crevasse, elle est assez impressionnante, hein, pour avoir vu les photos. 167 mètres de long, c'est pas mal. Crevasse creusée à même le béton de la galerie. Et trois personnes qui s'étaient approchées trop près de la crevasse ont trébuché lundi soir et elles ont dû recevoir des soins du personnel du musée. Parce que le musée, donc, met en garde contre les risques encourus à visiter cette œuvre, cette installation, mais ne prévoit pas d'installer de barrières de sécurité parce que ça pourrait nuire à la perception de l'œuvre. Donc, là, quand l'art se met à devenir dangereux, je pense que c'est là qu'il est vraiment intéressant. Donc voilà, si vous passez aux environs de Londres, n'hésitez pas à aller voir donc cette installation à la Tate Moderne. On continue toujours aux États-Unis avec une histoire qui donne foi en l'humanité. Vraiment, ça fait plaisir. C'est le genre de petite note positive sur laquelle j'aime terminer l'émission d'habitude. Donc on va la faire maintenant. C'est un homme qui attendait un rein depuis des années, depuis 4 ans. Et finalement, il a trouvé un donneur dans un endroit qu'il aurait pas imaginé possible, j'imagine, puisque c'est un représentant en aspirateur qui a tapé chez lui, un homme qui s'appelle Jamie Howard, et donc qui était là pour lui vendre ses aspirateurs. Et puis l'homme qui attend un rein s'appelle Paul Sucher, et il lui a expliqué qu'il avait pas les moyens de s'acheter un aspirateur. Donc là, vous savez comment ça se passe, le représentant, il a essayé de négocier, du comment ça se fait, c'est pas possible, un aspirateur, c'est pas cher. Alors l'autre lui a dit, bah écoutez, j'ai de gros problèmes de santé, donc les traitements coûtent très cher, j'attends un rein, j'ai pas les moyens de dépenser de l'argent pour un aspirateur. Et alors là, Jamie Howard, le VRP, explique qu'il a eu comme une espèce d'intuition, c'est quelque chose qui s'est imposé à lui, et il a proposé à l'homme, donc il ne connaissait ni d'Ève ni d'Adam, de lui donner son rein. Donc c'est assez magnifique. Et alors évidemment, au début, les docteurs du Colorado, ça se passe dans le Colorado, les docteurs trouvaient cette affaire un petit peu louche. Ils pensaient qu'il y avait eu une transaction financière entre les deux hommes, que donc monsieur Paul Sucher lui avait proposé de l'argent pour lui vendre son rein, mais monsieur Sucher explique que les seules personnes qui vont se faire de l'argent dans cette histoire, c'est les chirurgiens, puisque ça va coûter 250 000 dollars l'opération. Donc voilà, ça coûte beaucoup d'argent. Et y a aussi le fait que, avant de pouvoir donner ce rein, évidemment, il fallait s'assurer que le donneur était compatible, et il était parfaitement compatible, donc c'était absolument génial. Et donc voilà, ça y est, l'opération a été faite, et donc monsieur Paul Sucher aujourd'hui est tiré d'affaire, il est guéri alors qu'il aurait pu y rester. Voilà, on va terminer là-dessus. Voilà, c'est pas plus mal sur cette superbe histoire d'humanité et de générosité. Juste après, sur Rage, c'est la récréation, le meilleur des musiques locales, et on se retrouve la semaine prochaine. Bisous, bye bye. Exocet, le magazine de l'étrange et de l'insolite.